Chapitre 3e. Le lendemain, aussitôt le déjeuner, il se rendit à la boutique d'épicerie dans une grande anxiété. Il trouva M. Hobbs lisant le journal, ce qui était son occupation favorite, et il s'approcha d'un pas grave. Il sentait qu'il allait porter un coup à son vieil ami en lui disant ce qui était arrivé, et tout en faisant le trajet qui séparait la maison de sa mère de celle de l'épicier, il s'était demandé comment il lui apprendrait toutes ces choses. « Bonjour, » fit M. Hobbs, de la manière brève qui lui était habituelle. « Bonjour, M. Hobbs, » dit Cédric. Il ne grimpa pas sur un des barils ou sur un des ballots qui se trouvait là, comme cela lui arrivait quelquefois. Mais il s'assit humblement sur une caisse de biscuits, et prenant son genou à deux mains, c'était sa posture favorite, il demeura quelques instants silencieux. Cette manière de faire était si différente de celle qui lui était habituelle qu'elle étonna l'épicier. « Qu'est-ce qu'il y a ? » dit-il en regardant par-dessus le journal étendu devant lui. Cédric rassembla tout son courage. « Monsieur Hobbs, vous rappelez-vous ce dont nous avons parlé hier matin ?»« Il me semble, » répliqua l'épicier, « qu'il était question de l'Angleterre. »« C'est cela, » dit Cédric. « Mais juste au moment où Marie vint me chercher, vous rappelez-vous ? » Monsieur Hobbs frotta rudement de sa main droite le derrière de sa tête. « Est-ce que nous n'en étions pas sur l'aristocratie ?» « Oui, » dit Cédric avec un peu d'hésitation, « sur l'aristocratie et sur les comptes. »« Les comptes, c'est vrai. Je m'en souviens, nous en avons dit quelque chose, en effet. » Cédric se sentit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Jamais rien d'aussi embarrassant ne lui était arrivé, et il craignait que ce ne le devint aussi pour son vieil ami. « Vous avez dit, » reprit-il en faisant effort, « que vous ne voudriez pas en avoir un assis dans votre boutique. » Sur une de vos caisses de biscuits. L'ai-je dit ? Répliqua M. Hobbs. Eh bien, je le dis encore. Qu'il y vienne et nous verrons. M. Hobbs, dit Cédric humblement, il y en a un maintenant là, sur cette caisse. L'épicier bondit sur sa chaise. Comment cela ? Dit-il. Oui, dit Cédric modestement, je suis un comte ou j'en serai un. Je ne veux pas vous tromper. M. Hobbs parut très agité. Il se leva vivement. « L'enfant est fou, » se dit-il. « Que lui est-il arrivé ?» Il lui prit la main et lui tâtant le pouls. « Comment vous trouvez-vous, mon ami ? Avez-vous du mal quelque part ? Y a-t-il longtemps que vous vous sentez ainsi ?» Il posa sa grosse main sur les cheveux bouclés du petit garçon. « Je vous remercie, » dit Cédric un peu étonné. « Je vais très bien. Je n'ai pas de mal à la tête ni ailleurs. Seulement j'ai beaucoup de chagrin de ce que je viens de vous dire là. C'est pour cela que Marie est venue me chercher hier. » M. Havisham, qui est un homme de loi, causait avec maman et lui expliquait tout cela quand je suis arrivé. M. Hobbs se rassit tout tremblant et tirant de sa poche un ample mouchoir à carreaux, il s'en frotta énergiquement le front. « Un de nous a eu un coup de soleil, » dit-il en revenant à son idée. « Ce n'est pas possible. »« Je vous dis que si, M. Hobbs, et nous ferons mieux d'en prendre notre parti. M. Havisham a fait tout le chemin d'Angleterre ici pour nous le dire. » C'est mon grand-papa qui me l'a envoyé. Qui est votre grand-papa ? Demanda l'épicier. Cédric porta la main à sa poche et en retira un papier qu'il déplia soigneusement et sur lequel étaient tracées quelques lignes de sa grosse et irrégulière écriture. Je n'aurais pas pu me rappeler tous ces noms si je ne les avais pas écrits, dit-il. Il lut alors tout haut et lentement. John Arthur Molineux Hérol, comte de Dorincourt. Il demeure dans un château et même, je crois, dans deux ou trois. Papa était son plus jeune fils, et je n'aurais sans doute pas été un lord et un comte si papa avait vécu. Et papa n'aurait pas été un comte non plus si ses deux frères avaient vécu. Mais ils sont tous morts, et alors c'est moi qui dois être lord des comtes, et c'est pourquoi mon grand-père m'a envoyé chercher pour demeurer avec lui en Angleterre. M. Hobbs semblait avoir de plus en plus chaud, car il soufflait de plus en plus, et il épongeait son front de plus en plus énergiquement. Il commençait à comprendre qu'en effet il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Mais en regardant l'enfant assis sur la caisse de biscuits, avec l'innocente et anxieuse expression empreinte dans ses jolis yeux bruns, il vit bien qu'il n'y avait rien de changé en lui, mais qu'il était toujours le même, aimable, beau, brave petit garçon, avec son simple habillement de drap noir et sa cravate ponceau. Alors toutes ses idées sur la noblesse furent bouleversées, surtout à cause de la simplicité ingénue avec laquelle Cédric lui avait donné toutes ces nouvelles, sans se douter de l'importance prodigieuse qu'elles pouvaient avoir. Et quel nom m'avez-vous dit qu'était le vôtre ? Demanda-t-il. C'est Cédric Erol, Lord Fauntleroy. C'est ainsi que M. Harbison m'a appelé. Il a dit, quand je suis entré dans la chambre, « Ainsi, c'est le petit Lord Fauntleroy. » Prodigieux, fit l'épicier. C'est l'exclamation qu'il employait quand il était étonné ou échauffé. Prodigieux. Il ne pouvait trouver autre chose à dire pour l'instant. Cédric parut trouver que c'était tout à fait le mot de la situation. Son respect et son affection pour M. Hobbs étaient si grands qu'il admirait et approuvait toutes ses remarques. Il ne connaissait pas assez le monde pour faire des comparaisons entre l'épicier et d'autres personnes. Les manières de son vieil ami étaient très différentes de celles de sa maman. Il s'en était bien aperçu. Mais sa maman était une dame, et il avait quelque idée que les dames ne ressemblent pas aux messieurs sous ce rapport. Il regarda l'épicier d'un air pensif. « L'Angleterre est très loin ? » demanda-t-il. « De l'autre côté de l'océan Atlantique, » répondit M. Hobbs. « C'est ce qui me fait de la peine. Peut-être serai-je longtemps sans vous voir. Je n'aime pas à penser cela. » « Les meilleurs amis doivent se séparer. »« Il y a longtemps que nous le sommes, amis, » dit Cédric. « Presque depuis votre naissance. Vous aviez environ 6 semaines quand vous fîtes votre première promenade dans les bras de votre nourrice. »« Ah !» remarqua Cédric avec un soupir. « Je ne pensais guère à ce moment-là que je deviendrais un comte. »« Il n'y a donc pas moyen de l'empêcher ?» demanda M. Hobbs. « Je crains que non. Maman dit que papa aurait été bien aise que je le fusse. » Mais s'il faut absolument que je sois comte, il y a une chose que je peux essayer de faire. Je peux essayer d'en être un bon, de ne pas devenir un tyran. Et si jamais il y a une autre guerre entre l'Angleterre et l'Amérique, j'essaierai de l'arrêter. Cette conversation fut longue et sérieuse. Une fois le premier choc reçu, M. Hobbs ne se montra pas aussi farouche qu'on aurait pu s'y attendre. Il essaya de se soumettre aux événements, et avant que l'entrevue eût pris fin, il s'y était résigné. Il fit à Cédric de nombreuses questions au sujet de sa nouvelle situation, et comme l'enfant ne pouvait le plus souvent y répondre, il essayait d'y répondre lui-même. Lancé sur le sujet des marquis et des comtes, il expliqua les choses d'une manière qui, probablement, aurait fort étonné M. Havisham, si le digne homme avait été à portée de l'entendre.